mécanique du journalisme. Quatrième épisode, François Fillon, droit dans ses bottes. Je vous rappelle qu'il avait fait quand même ce grand discours aussi à fin août 2016, à Sablé, sur Sarthe, dans son fief. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Être gaulliste, c'est une conception de l'exercice du pouvoir, et singulièrement de la fonction présidentielle. Notre Constitution ne fait pas du président de la République un PDG, et encore moins un sultan turc. Le président de la République ne devrait pas être un président de faits divers, prenant la parole à tort et à travers, usurpant la direction du gouvernement, multipliant les petites promesses démagogiques et occupant les rubriques mondaines. Donc quand on dit comme ça qu'il faut être très clean, impeccable, qu'il ne faut rien avoir à se reprocher, il faut être à la hauteur de ce qu'on veut imposer aux autres quand même, c'est un peu la moindre des choses. 26 janvier 2017. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. 1er mars 2017. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. En ce début mars 2017, François Fillon pressent qu'il va être mis en examen. Cette mise en examen est prononcée le 14 mars, quelques jours plus tard, pour détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et manquement aux obligations de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Donc il décide de tenir contre vents et marées, tout seul, comme ça, d'emmener tout le monde avec lui, de couler le bateau de la campagne, au lieu de se retirer. Le journal, présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir. Un journal entièrement consacré au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron finit en tête devant Marine Le Pen. Le candidat En Marche est donc idéalement placé pour l'emporter le 7 mai prochain. Il bénéficie du soutien de François Hollande et de celui plus discret des Républicains, tétanisé par l'échec de François Fillon. Que ça ait pesé sur la présidentielle, c'est évident, mais c'était pas ni prémédité, ni voulu. Voilà, on fait une enquête, comme on le fait sur tous les candidats. On trouve des choses, on les raconte. Après, on ne maîtrise pas les conséquences du tout. Voilà, par exemple, quand on a sorti le premier papier sur la société de conseil, on aurait pu imaginer que ça fasse un petit scandale, que tout à coup, les candidats s'en emparent, demandent des explications à François Fillon, ce soupçon de conflit d'intérêts qui entache la campagne de façon permanente. Bon, ça n'avait pas été tellement le cas. C'est plutôt durant l'affaire où il a dû s'expliquer, tout à coup, il a révélé que AXA, par exemple, avait payé 200 000 euros pour ses conseils, sachant que AXA est le leader de l'assurance privée de santé en France et que François Fillon, dans son programme, avait décidé de privatiser largement la Sécu, c'était un conflit d'intérêts majeur, c'est plus que ça. Voilà. Rien que ça, ça aurait pu suffire à complètement plomber sa campagne. Et effectivement, l'histoire de l'emploi de Pénélope, il fait scandale parce que le hiatus est trop grand entre ses déclarations, son image et ce qu'on découvre en réalité. C'est pas tenable. On est à la fois un journal d'enquête, d'investigation, mais en même temps, on essaye pas de prendre les choses au tragique. On n'est pas dans un journal de dénonciation. On est dans un journal qui essaye aussi de se marrer avec ces trucs-là. Parce que, comme disait notre bien-aimé fondateur, Boris Maréchal disait qu'il valait mieux, effectivement, rigoler des choses qu'en pleurer. On fait pas la morale, on n'est pas procureur, on dit pas il faut que les gens se comportent comme ci, comme ça, etc. Simplement, quand vous avez un homme politique qui dit qu'un homme politique doit être irréprochable, etc., et qui fait tout ce qu'il a fait, c'est difficile quand même de faire comme si on ne voyait rien, quand même. Bon, il y a eu aussi l'histoire des costumes, ce qui n'a pas été sorti par nous, mais je veux dire, c'était quand même, ça montre aussi un peu la maladresse de, vous avez quelqu'un qui se faisait offrir, non seulement ses vacances, qui prenait de l'argent à l'Assemblée, qui en prenait au Sénat, et qui, en plus, faisait offrir des costumes à Arnis par l'avocat Bourgi. Et le gag, ça c'est nous qui l'avons sorti, c'est que ces costumes, il avait dit qu'il les avait rendus. Il avait rendu deux costumes et un blazer, mais apparemment, dans les costumes qu'il avait rendus, c'était surtout les costumes usés, parce que 8 jours ou 15 jours après avoir rendu ses costumes, il apparaît dans un meeting, il prend la parole et il y a la veste qui n'est pas boutonnée, donc on peut voir le revers et on voit l'étiquette Arnis. Et effectivement, ça correspondait, la description correspondait à ses costumes Arnis. Donc si on s'amuse pas avec ça, on s'amuse avec rien. On n'est plus un journal satirique. Peut se prévaloir, François Fillon, d'avoir contribué à créer une nouvelle loi de moralisation, de même que Cahuzac avait, lui tout seul, réussi à créer une loi de moralisation. Donc à chaque affaire, sa loi de moralisation. Parce que, en fait, sans l'affaire Cahuzac, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'affaire Fillon. Parce que sans l'affaire Cahuzac, il n'y avait pas de création de haute autorité de la vie publique. Donc, il n'y avait pas de publication de déclaration d'intérêt. Donc, il n'y avait pas le premier fil qui était l'emploi de Madame Fillon à la Revue des Deux Mondes. Depuis l'affaire Fillon, il y a eu une nouvelle loi de moralisation de la vie publique. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle nous permettrait de découvrir grand-chose, parce que cette loi interdit les emplois des conjoints, et elle ne donne pas énormément plus d'obligations de transparence. 15 septembre 2017, Emmanuel Macron signe deux nouveaux textes de loi de moralisation de la vie politique. Ces deux lois, ce sont des engagements de campagne importants qui constituent une vraie rénovation de notre vie politique. L'impossibilité d'embaucher un membre de sa famille est ainsi maintenant promulguée. L'impossibilité d'être élu quand on a un casier judiciaire B2 est promulguée, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit ou peuvent encore croire. Et l'impossibilité de ne pas rendre compte de ses indemnités est aujourd'hui promulguée. Elle interdit aussi aux parlementaires d'être consultants s'ils n'ont pas exercé cette activité pendant au moins 12 mois. Voilà, pour éviter que des petits malins refassent ce que François Fillon avait fait, c'est-à-dire créer leur boîte de conseil la veille de leur élection, pour ainsi dire. Voilà, là, il faut qu'ils aient vraiment eu un vrai métier de consultant et une vraie carrière pour justifier d'être encore consultant quand ils deviennent députés. Le 27 février 2020. Le procès du couple Fillon commence pour de bon cet après-midi avec d'abord des points de procédure. C'est l'affaire des emplois présumés fictifs de Pénélope Fillon. On assistait au procès que pour le relater, pas pour s'en délecter particulièrement. On voulait absolument voir comment François Fillon allait se défendre et Pénélope Fillon. Je me souviens qu'un des soirs du procès, quand j'ai pris le métro, il y avait Marc Joulot à côté de moi. Marc Joulot, qui est donc suppléant de François Fillon, qui lui-même a employé Pénélope quand François Fillon est redevenu ministre. Et donc Marc Joulot était également poursuivi, il a été condamné pour avoir employé Pénélope pour un emploi fictif. Et donc, contrairement à François Fillon, qui repartait tous les soirs avec Pénélope, avec une espèce de petite escorte de son avocat, voire de sa famille, parfois ses enfants étaient là, Marc Joulot lui repartait tout seul, pas avec une voiture qui l'attendait. Donc voilà, un soir, en sortant du procès, je me retrouve avec Marc Joulot à côté de moi et je ne suis pas allée lui parler. Je trouvais que ce serait peut-être assez provoquant encore une fois. On ne tire pas sur l'ambulance au canard, je veux dire, voilà, ils sont en procès, voilà, il y a eu tout ce qui s'est passé, on ne va pas en plus aller leur tendre un petit micro pour dire « Bon alors, comment ça va, pas trop dur le procès ?» Je pense que là, il serait quand même très très énervés, ils auraient raison, et en plus ça ne porterait absolument rien au canard, c'est pas tout à fait ce qu'on écrit, voilà, j'ai pas besoin d'avoir une réaction en direct de Marc Joulot sur son procès. Et François Fillon a été fidèle à lui-même, encore une fois il nous a un peu aidés, parce que si le personnage avait été complètement accablé, voilà, on ne peut pas vraiment en rajouter. Là, en l'occurrence, François Fillon, pendant tout le procès, a gardé une certaine morgue. Il n'y avait pas du tout de contrition, vous voyez. Il était très, très agacé par les questions des procureurs, avec la juge un peu moins parce qu'elle était beaucoup plus factuelle. Mais on sentait que vraiment lui poser toutes ces questions, c'était complètement déplacé, que s'il avait voulu payer Pénélope à coller des gommettes, tel était son bon vouloir, comme s'il n'était pas comptable des données publiques utilisées. Vous voyez, il est resté sur cette ligne, à mon avis, qui a pesé lourd dans sa condamnation. Trois ans après les révélations du canard enchaîné, la justice se prononce enfin sur l'affaire qui a empoisonné sa campagne présidentielle. BFM TV, 29 juin 2020. François Fillon et son épouse Pénélope sont apparus, le visage masqué en raison de l'épidémie de Covid. À la sortie, le pas est rapide. La sentence est lourde. Ils sont condamnés pour détournement de fonds publics, complicité et recel. Des peines conformes aux réquisitions du parquet. 5 ans de prison, dont 2 fermes pour l'ex-premier ministre et 375 000 euros d'amende. 3 ans de prison avec sursis et 375 000 euros d'amende pour Pénélope Fillon. 3 ans de prison avec sursis également pour le suppléant Marc Joulot, 20 000 euros d'amende. Le fait qu'il n'y ait aucune remise en question de son comportement, ça a pesé forcément dans la décision du juge de le condamner à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, donc 2 fermes en première instance en tout cas. Le procès, c'était intéressant de le suivre pour voir un peu, on est journaliste, donc voir un peu comment il se défendait, comment les choses se racontaient. Mais pour nous, c'est pas, voilà, on n'est pas la question de sa condamnation ou non-condamnation, on n'est pas des juges, on est un journal satirique, donc on s'est bien amusé à sortir cette affaire, en étant toujours très rigoureux sur les informations qu'on sortait. On fait des articles, on noircit du papier, voilà. Mécanique du journalisme, Thomas Duterre, Élise Carlin, mixage, Ludovic Auger et Nasser Moussaoui.